96.2. La FM. La FM en couleur. Moi, tout ce que je l'ai fait pour toi. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai pris pour moi. Et moi, tout ce que je l'ai fait pour toi. Moi, tout ce que je le fais pour toi. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai pris pour moi. Et moi, tout ce que je l'ai fait pour toi. Chérie, je peux pas te partager. Crier sur le toit du monde. Chérie, je peux pas te partager. Aussi vrai que la terre est ronde. Chérie, je peux pas te partager. Chérie, je peux pas te partager. Crier sur le toit du monde. Chérie, je peux pas te partager. Aussi vrai que la terre est ronde. Chérie, je peux pas te partager. Le faire on le pouvait, rien n'est plus fort que le véritable amour. Si Dieu a trouvé, tous les jours tu me le dis, tu me l'approuves. Te sentir dans mes bras, c'est le meilleur endroit où le Seigneur m'envoie. Dis-moi pourquoi t'as tant de mal à me croire. Maintenant c'est dur pour toi, ton ex a fait des dégâts que je répare. Jamais ta moitié, arrêtez toute. Après toi, je ne pourrai plus jamais tomber là. Chérie, je peux pas te partager. Crier sur le toit du monde. Chérie, je peux pas te partager. Aussi vrai que la terre est ronde. Chérie, je peux pas te partager. si vous ça les bon main. Ça qui fait mal mal si nous changer chemin. Dans mon lit différent long, pourtant nous t'es qu'un somme. J'avais nous pas qu'à comprendre, mais j'avais l'espoir qu'on se retrouve et qu'on revive nos belles histoires. Et si y'a qui douleur, y'a qui souffre, mais non, t'es en bas. Moi, pas mis la face pour qu'on me pour nous témoins. Fatigué parce que ça me fait pas jour. Moi, dire non. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre à votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Plein de nouveautés pour vous, dont celle-ci, justement, avec le groupe Vaille sur le 96.2. Du compas, bien sûr, mais du zouk aussi. Plein de nouveautés ce soir. Non, c'est pas une nouveauté, là, tout de suite. Mais pourquoi pas, si on veut. Enfin, en tout cas, c'est de 2023, cet album de Jimrama, de Diallo. Allez, restez bien calés sur le 96.2. Je parle avec vous jusqu'à 20h. C'est votre émission Groupe Tropical. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tel, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire est fixe en fait dans ma tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Arrête. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tête, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire est fixe en fait dans ma tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. J'ai trop besoin de te parler. Pardonne-moi, je suis troublé. Devant tes charmes, je suis désarmé. Je suis piqué, je dois l'avouer. Allô, allô, où es-tu? Allô, allô. Allô, allô, que fais-tu? Allô, allô. J'ai trop besoin de te parler. Pardonne-moi. te comprendre. La vie Paris, c'était Pigalle, c'était Barbès. Moi, un rêve pris devant grand déception. Moi, veille en bon voyage en avion. Moi, ouais, cinéma, moi, manger, moi, bien, moi, moi, dormir, moi, l'été. Ah, bon, c'était français. Moi, t'es qu'à Paris. Mais les moins vivés à Paris. Tu veux plus te passer de moi, tu veux plus penses à tout près de moi. Même en ayant les yeux fermés, je sens que t'es là. Mais je ne retomberai pas, tu t'es trop foutu de moi. T'as voulu te faire passer pour quelqu'un que t'étais pas. Tout ça pour le soir, m'en va près de toi dans tes draps. Je vais t'oublier, ce n'est plus qu'une question de moi. T'as brisé tous les rêves, tous les films, toutes les chansons que j'imaginais lorsque je pensais à toi. Allez, le tube de l'été, hein. Ma belle t'adore. Allez, sur le 96, je un petit peu l'ambiance. C'est vrai que je m'endormais un peu, là, au début, non? Je sais pas si vous êtes comme moi. Au chapitre des souvenirs et des remixes. La casquette, t'as beaucoup, hein. 16h, 18h, non, pas 16h, 18h, 20h. Notre émission Groupe Tropical. 16h, c'était avant. Très très bonne soirée, on m'accompagne Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est Groupe Tropical. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Mieux qu'hier, le temps nous dira la vérité. Hey, yeah. Sur ton cœur tu m'as placardé. Laisse tes jaloux bavarder. Je suis celui qui te fait voyager everyday. Et je les vois déjà rager. Tous les faux je les ai bannis. Même Mani s'est fait trahir. Ouais bébé on s'arrache à Bali. Fais tes valises, yeah. Fais tes valises. Quitter le quartier c'était sa l'idée. Fais tes valises. En faire sale chez lumière tamise. Fatigué, tu en veux. devoir accepter des propositions annoncées. Que je dise non, et tu m'en veux. Que je dise oui, et tu en veux. Quand j'ai pas envie, et tu m'en veux. Quand je suis fatigué, et tu en veux. Tu m'en veux, souvent. Tu m'en veux, dans ces cas-là. Tu m'en veux, m'en veux pas. Tu m'en veux, on se connaît. Arc-en-ciel, votre émission Groupe Tropical, c'était la délicieuse NG avec son célèbre titre « Je suis, un petit peu de dépoussiérée, mais ça va encore !» Alors, si vous êtes en voiture, comme Louane, eh bien, arrêtez-vous, parce que ce qui va passer tout de suite après, je pense qu'à mon avis, on va avoir du mal à rester en place. Attention! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, actuellement nous répondons à un petit morceau d'ambiance là que tout le monde connaît là. Préparez-vous parce qu'il caille parti. Bon, monsieur Yéyé le pianiste, en qui m'a dévonti, il est maman du genre. Pelle-bou-dou-bé-bou-bé-papa, il Monsieur Léon, s'il vous plaît, à la guitare. Est-ce que vous pouvez m'envoyer du genre? Clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, Et attention, nous caille vous démarrer sans vouloir dans notre chanté. Chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. Vraiment, vraiment, vraiment rayé. Attention, tiki-ta, tiki-ta. Tiki-ta, tiki-ta. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Yeah. demoiselle. Va danser jusqu'à là. Que le compte à rebours Tu vas voir, c'est un 35 mètres carrés. Mais gros. Stanisky. Même si nos silences sont une mélodie qui jamais ne me lasse, je veux te dire ces mots, je veux laisser une trace. Je veux arrêter le temps, je veux m'assurer que tu seras toujours là. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ah, sur Art Français, ça fait du bien quand même hein, de se défouler, de se dégourdir les jambes, le groupe Criolda. Tiens, il y a un moment, on n'a pas entendu les nouveautés de ce jeune homme. En tout cas, on va continuer comme ça avec un autre compas, un autre grand groupe de compas, le groupe Charisma, et c'est Histoire d'amour. Histoire d'amour, allons bagailler. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui les accompagne. Remix. Oh, Non pas quoi sur Arc-en-Ciel, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Après du Guyane, eh ben, moi, je vous propose un petit retour en arrière avec du compas direct souvenir. Allez, pour tous les fanatiques. Aquí te tengo. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Vous baptisez, vous baptisez, vous baptisez. Encore une petite séquence souvenir avec Monsieur Nouvachin, Robert Charlotien, un petit message Robert. Merci pour ces petits messages d'encouragement, en tout cas sur le 86.2. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup Nouvachin, je peux vous le dire. Sur le 86.2, la musique continue avec un peu de douceur. Il en faut là, parce que là on vient de suer la chemise. Sur le 96.2, votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Tu perds le nord, tu veux emmêler nos décors. Quand je te regarde, aïe aïe aïe, quand je te regarde. Quand je te regarde, aïe aïe aïe, quand je te regarde. Personne ne te fait cette défaite. Si t'es renfort, je comprends que ça défait. Personne ne te fait cette défaite. La musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. notre avenir. Je compte sur le temps pour éponger mes pleurs. Shit. Tropicale, chaque jeudi entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui vient des Caraïbes. Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. seu. Sim, não. Nunca trouvé um indiferent. Não, não. Doudou, tu es le gardien de mes secrets comme de mes doutes. Est-ce que j'en demande trop? Sim, não. Est-ce ou oubliez-moi? Non, non. Doudou, tu es moins vous faire nous parler. Est-ce ou moins dans l'autre monde? Sim, non. Est-ce moins qu'à monter la ligne? Non, non. Doudou, qu'à prendre distance. Senti ou qu'à négliger moi. Est-ce que moi faire du tort? C'est non. Est-ce que perdre confiance en moi? Alors beaucoup dis-moi qui ou aime. Dis-moi, donne-moi secret. Fais-moi un petit câlin. En nous dans ces collés. Pour sauver l'homme nous. Pointez les belles en ciel. D'ici ou qu'à songer moi. Concierne, votre émission Groupe Tropical, une nouveauté, la demoiselle s'appelle Marilyn, Marilyn, et c'était le titre Rendez-vous. Oh là là, ça sent un peu la fin là, j'ai l'impression. On y arrive doucement, en tout cas on va continuer encore comme ça avec de très très très bonnes choses, encore des nouveautés d'ailleurs. Richard Birman, ou Birman, je sais même pas ce que vous dites, peut-être, la Diabelle. Ah, il a bien raison. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je crois pas qu'elle sourit encore. Pourquoi c'est moi qui n'ai tort? C'est compliqué, mais on sait tel amour. Qu'à vivre en aidant-nous, on toujours crie au mi-amour. Et on dit je t'aime encore. Oh désolé, n'en fais pas penser quoi. Tout ça m'a dit pour la vie à belle. Dans l'amour, la Votre émission Groupe Tropical, eh bien, il est presque 20h sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil. Oui, il y aura du soleil, ne vous inquiétez pas. Toujours dans les studios, en tout cas, sur le 96.2. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Restez bien fidèles à votre radio préférée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour la vie, il rêve, il rêve, il rêve. Essentiel 96.2. La FM en couleur. Mais je suis sûr.